il faut faire confiance à ceux qui nous entourent pour... Déplace ton pied gauche un peu plus vers ta gauche. Voilà, très bien. Ton pied droit, première marche, voilà. Deuxième marche, troisième, quatrième, cinquième et une dernière. J'ai pas le sentiment d'être très beau. Je pense peut-être que je me sais que... C'est qu'une idée vague en fait. J'ai l'impression d'être dans un espace clos. En fait, c'est fou parce que je sais qu'en temps normal, j'aurais apprécié cette balade, mais j'arrive pas à l'apprécier. J'ai l'impression d'être enfermée. La strate urbaine. Il y a cette coupure. Je sens que je suis tendue. Je suis pas relâchée. L'environnement me donne pas envie d'être relâchée. Ça me donne pas envie d'ouvrir les yeux.